Planète Rap, 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Pendant une heure, il prend le contrôle de la nocturne, monsieur Nak. Nak Mendoza est là, comment va? Ça va, tranquille, et toi? Et bon, on va fêter la sortie aujourd'hui de ce nouveau projet. Darkson 2. C'est Darkson 2, ouais. Nak. Ouais, très fier du projet, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. On attend les retours. Il y a eu pas mal de bons retours, donc je suis content, ça va, c'est cool. Bon, Nak, c'est vrai, on peut le dire que quand même, pour la plupart du rap français, t'es aussi une légende, aussi bien au niveau de l'écriture, etc. Ok. Que t'as toujours eu un succès, ce qu'on appelle le succès d'estime aussi. Ouais. Celui qui remplit pas le frigo. Celui qui remplit pas le frigo, mais qui permet d'avoir parfois un petit billet. Ouais, un petit billet qui traîne, tout ça, une petite photo d'un McDo, tout ça. Mais mine de rien, c'est quoi, plus de 20 ans dans le rap maintenant, Nak? Vers là. Non, un peu moins, 19. Si on se rappelle Soldat Fada, pour ceux qui s'en souviennent aussi. Ouais, 98, ouais. 98, 97, ouais. Même les 11-30, tout ça. 11-30, non, c'est. Ah ouais, 97. Tu vis les gens, t'essayes de me griller quelques années, mais. On tente. Tu tentes 2-3 choses, mais j'ai quand même une mémoire quand même qui revient assez facilement. Ouais, 11-30, ouais, 97, ouais. Bon, bah, bien content de te recevoir, en tout cas, Nak. Merci pour l'accueil. Dans cette nocturne, j'ai l'impression qu'en plus, t'es assez fidèle aux gens qui t'entourent. Ouais, je suis avec les jumeaux de Bobigny, les 10. Les 10, yes. Se présenter. Lundi, c'est l'avocato qui est juste derrière moi, mais il a pas de beau gosse. Fait le beau gosse. Ouais, non, mais c'est cool. Merci, Nakos, de nous inviter. Frère. On partage les succès. Et je suis avec Monseigneur Mike. Qui est là aussi. Ouais, le monsieur. Yeah. Le vrai monsieur Flint, du rap français. Bref, une petite équipe pour. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Il y a un petit problème là. On va te régler ça et on va surtout découvrir Nak et ce projet Darkson 2 qui est donc maintenant. On peut, si par exemple on kiffe sur un des morceaux, on peut tout de suite aller cliquer et on le prend. Là c'est disponible partout maintenant. Ouais. Disponible partout, ça s'appelle Darkson 2. Et on débute avec un morceau qui s'appelle Astral, c'est parti? Astral, check. Nocturne Nak au contrôle de la nocturne. Check. Ok, 1. Tous prêts à se battre, un peu se larver. Putain, homme triste, vainqueur, pris à débattre, un peu servi. Elle nous prend pour des singes, donc la chance saute d'arbre en arbre. J'ai perdu trop de gens, moi je suis une sorte de soldat Ryan. Laisse tomber ces baisers, ça y est. On sait que tu bats ta femme, on sait bien qu'elle est pas tombée dans les escaliers. Et on est bien d'accord, t'es un bâtard. Aussi sûr que la pièce du SDF, c'est pas un apport pour un appart. Non, me parle pas de fair play. Tu connais 3-4 versets sur terre, pas d'adversaire, tu mets des patates. Adversiel dans la zig, pas de réseau. On m'a dit va chez Bouygues. Les semaines de taf, ouais, sont dures, c'est pas des fashion week. Fais gaffe, ma soeur, il peut pas te ken, alors il gif. Les images sont fortes, c'est pas Pat Le Guen à la régie. Un bloc de glace peut se liquéfier. Bande de bombes au clap, Rihanna peut finir caissière. Si je le regarde droit dans les yeux, je crois que je peux niquer le ciel. Quand la vie tire trop, sors la laisse. Là, je me dis qu'elle chienne. Chienne de vie. Je mets un short, je tape le foot avec des gens. T'appelles Youve et t'aimerais voir pendu comme George W. Saddam, faites pas genre, tapez-vous, tout short d'après vous. J'touche les gratte-ciel comme Jordan ou Oussama. J'garde le faux, c'est intact, né pour défoncer un mic. Moi et mes défauts, c'est un pack, mais tu me trouves pas mal. J'les envie, 40 ans, père et mère en vie. Optimiste, j'vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. J'les envie, moi 40 ans, père et mère en vie. Optimiste, j'vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. L'amour, ça t'adoucira ou te tuera. Esquiver la prison, ça tient du miracle ou du chien. Parfois, la vérité, j'agonise. La vérité, je doute. R.I.P. j'agomise. R.I.P. Bigou. Il paraît que les types bien savent perdre. Oh, de là-haut, Victor Hugo m'a dit oh, t'écris bien, sale nègre. Le bruit, l'odeur, les tirailleurs. Ça, c'est nous, je crois. Alibaba et les 40 auteurs. Ça, c'est m'ouvre-moi. D'humeur à se venger, façon Kill Bill. T'as du plomb dans l'aile et dans ton frisbee. Et t'as ton chanson Trisbis. Si t'es fan, t'es sans doute riche en bootleg. Ce qui est beau et précieux, moi, j'ai vu le sang du Christ en bouteille, j'y arriverai, hein. Peu importe mon thème astral, regarde-moi bien, je vise bien. Boum bam, thème strike. Ça va finir en banlieue, cimetière communal. Les temps changent, bientôt les hétéros feront leur coming out. C'est pas une caresse, mais une manchette, yo. Y'a la prudence et le destin. Le cimetière est plein de gens qui mangent bio. Putain, les frères, écoutez-moi. Moi petit, je rêvais d'un gun. Si tu me cherches, crois que j'aurai mon rêve au bout des doigts. Quand je serai KO, qui me donnera une pièce? Personne demande leur marché entier, je suis pas une. Personne, je veux le paradis pour les miens, t'as raison, je t'aimante trop. J'aimerais finir la journée, eux les saisons de Game of Thrones. Je vous regarde de haut, je sais que t'as sûrement vu passer mon drone. Qu'on me rende ce qui m'est dû, ça c'est ma maison, c'est mon trône. Surfer, non, j'allais en classe avec mes requins. Surfer, non, toujours en clash avec les refrains. L'espoir pour un pauvre, c'est le rêve, non, pour un faux. Dans le rap, on me disait d'être moi, je paye un impôt sur les revenants des avoirs. C'est ce qu'il nous faut pour être niveau plume, y'a du niveau, c'est nouveau, nouveau poète. Tu sais qu'en punchline, c'est moi le druide, tout le village, lâche le rap, non, c'est le rap ou l'HB. Fuck un coup d'une HV. Des bras cassés, te parle de bras de fer. Handicapé des sentiments, tu dis je t'aime quand t'as 2,7 grammes. La mentale, même quand je mange une cran, pas la faim. Je suis pas un rappeur lambda, genre de la lambda ladin. Je sais pas ce qu'il faut, en tout cas moi, putain de merde, je fais du rap. Même si certains le voient d'un mauvais œil comme Philly Wap. Je suis pas comme vous, je voulais dire comme eux. Hein, je voulais dire qu'en fin de compte, moi j'ai trop de vécu pour écrire comme eux. À ceux qui m'appellent ici, je voulais dire que la première fois où ma main a touché un mic, je voulais rire de ça. Français, planète rap. La nocturne. Mon cœur est dur, parfois tendre, pour t'enseigner, il a plus le temps. Il affiche complet, plus personne ne rentre, le physio n'est même plus devant. Ouvrez les yeux, y'a des guns partout. Je vis là, tu veux que je me casse où? Je suis pas nas, moi, il me faut un mic, moi, une foule qui m'aime. Et Jen Gazlou, l'élite d'Alco, j'ai des faiblesses, je suis qu'un homme, comme je l'ai dit tantôt. Je croque la vie quand le fruit est pourri, j'évite de mordre, comme Teddy Tango. Le public m'a dit Narcisse, reviens vite, donc t'attends mon refrain. Malgré mon nom, je tomberai pas dans le canal en m'attend mon reflet. Ce qui est sûr, ce qui te parle, c'est pas leur disque. C'est nul et triste, de l'électrisme pur et dur, dur d'écrire en cellule de crise. Du sang sur un drapeau blanc, me serais-je trompé de haine? La vie est chère, un Mathusalem, c'est ton salaire plus ton PEL. Il veut pas de pièces, non, il veut juste boire, passe-lui une belle fois. Le rap conscient, guerre contre la trappe, taxi, Uber, pop, les détester, j'arrive pas. J'ai toujours un geste charitable, les attentats, j'ai rien à voir, moi putain, je suis Charlene Gals, Dosa, Dosa. La rumeur dit qu'on m'aurait vu flancher. Abandonner, enclencher le plan B. Le cœur d'un lion, la tête d'un étranger. Pendant que tu faisais les sons, moi j'étais dans les tranchées. Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Chez nous t'as pas le choix, marche droit ou tu ne marches plus. Bien sûr c'est un monde hostile, on me dit habile au stylo. J'ai un joli kilo de rime, Nestor Alpha Kilo Kilo. Putain drôle de train, finant, me demande pas qui le pilote. Si c'est pas moi qui le pilote, je ne sais pas mentir au stylo. Tu n'as pas peur de Dieu, tu me raconteras comment c'est l'enfer. Ma carrière ne tient qu'à un fil, débranchez-moi comme Vincent Humbert. Tu me connais quand je vais dans le mur, j'y vais en Audi, pas à Yep. Je vais mourir près d'une princesse comme Dodi Alpha Yeah. Les plus belles femmes sont scred, d'ailleurs elles viennent d'Éthiopie. Y'a souvent un roi des pigeons caché derrière une reine du shopping. T'emballe pas, te vexe pas, mais je crois que tu vas vendre 3-10. Je suis incassable et je réponds à l'appel, je crois que je suis un 33-10. Je prie peu, donc mon dossier pour le paradis n'est pas en haut de la pile. Je préfère qu'on me jette la première pierre plutôt qu'on me lapide. Je vais mourir un soir de galère, un soir de gala ou sur le canap, un soir de match ou peut-être ce soir. Apparemment j'ai l'embarras du soir. Dosa, la rumeur dit qu'on m'aurait vu flancher. Abandonner, enclencher le plan B. Le cœur d'un lion, la tête d'un étranger. Pendant que tu faisais les ongles, moi j'étais dans les tranchées. Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Chez nous t'as pas le choix, marche droit ou tu ne marches plus, marche en bas. On craque pas, on livre le combat, y'a pas de parodie. Sans blague, garde une arme si t'es dans l'île. Sandra, Paoli, oh, mi hermano. Ils ont des calaches, tu es Manu. A Miami, Tonya, tu es Mani. En Corse, Tonya, tu es Manu. Moi tu sais, je l'ai premier, je l'ai fait. Donc elle m'a dit, t'es le meilleur bébé. À notre époque, ça va vite, elles ont des contractions aux premières TV. On nous crame pas pas dans le Sofitel, nous. Avant qu'on meure, profitez-nous. Drogue et tape, c'est pas la vie. Tu crois me connaître grâce au profil Facebook. Oh, j'avais la peur au ventre quand j'ai franchi les flammes. Si tu me tentes, je peux brandir une arme. J'ai rendu ma copie, t'as rendu l'âme. Je n'ai plus pied dans ce torrent de larmes. La rumeur dit qu'on m'aurait vu flancher. Abandonner, enclencher le plan B. Le cœur d'un lion, la tête d'un étranger. Pendant que tu faisais les ombres, moi j'étais dans les tranchées. Noblesse d'unité, élégance. Noblesse d'unité, élégance. Noblesse d'unité, élégance. Chez nous t'as pas le choix, marche droit ou tu ne marches plus, master. Master. La nocturne. Dans la plaine et ma plante peinture. Tellement de plaies que la peine perturbe. En quête d'air pur, peut-être des repères, mais c'est peine perdue quand la peine perdure. On en vient en main, y'a que l'écriture qui me permet d'amortir. Mais quand tu me demandes bien ou bien, bien ou bien, c'est un peu comme si tu me forçais à mentir. Échafabulant, déambulant, le long des marchés ambulants. J'ai bu la vue dans la bulle de l'opulence. Le bruit de l'ambulance t'invite à la prudence. Mais lève-toi puis danse. On n'a qu'une vie, le monde est vierge. Lève-toi puis danse. Quand l'écume file le long des berges, y'avait tellement de place sur le planisphère. Mais les hommes bannis du paradis arrivèrent, remplis de balivernes, de règles tarifaires, voulant tout baliser, n'acceptant pas l'hiver, tuant les mammifères, en feignant d'aller vers Dieu, mais sans clarifier, sans être même vertueux. Et à cause de ces tarifières, les odes à la nature se raréfièrent. Y'a l'odeur de l'au-delà dans l'eau de la rivière, et maintenant tout est à refaire. Tout est à refaire. Je suis en altitude. Altitude, remix. Hey. Check, check. Je voulais juste qu'on m'acclame, juste une fois, juste une fois. Parfois j'ai des pensées macabres, excuse-moi, excuse-moi. Je fais pas confiance aux pare-balles, qu'est-ce tu crois, qu'est-ce tu crois. Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce tu bois. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. La France m'excite, je prends encore le sein. Faut un peu de fric, on a encore plein. Un esprit sain, dans un corps de singe. J'en ai pris 5, j'ai encore faim. Tu insistes, hein, donc elle porte plainte. J'suis pas un petit, hein, j'suis pas un porte-flingue. T'en mets 10, hein, j'vise en col 20. Ambiance triste, hein, plus d'alcool fin. Tu fais le blindé, fais le bien. T'es plein de peu ça, Philippe plein. Ta Clio 2 te supplie de faire le plein. T'es comme nous, t'es en chien vers le 5. Ménopause versus femme enceinte. Maison close, bonne Saint-Valentin. En haut des côtes, personne va m'atteindre. Je vais en découdre, perso, ça va, je tiens. La banlieue, oh, c'est pas le tiers-monde. T'es pas assez bon, fais pas de sermon. T'es pas assez de mode, fais pas assez le mot. C'est dans ma plume que c'est craché le monstre. Hein, le peuple est pauvre, pull, hein. Toi tu épaules, ne pleure plus, hein. Moi je t'épaule, oh putain. T'as du pôle, jamais dans les 10 derniers. Tu vas trop vite, finis ton petit gerbé. Putain, le rat va mal, je l'ai vu gerber. J'ai enterré mon reuil vendredi dernier. Jackson, Jackson. T'as beau être célèbre, célèbre. La vie de Wam s'élève, et Nakaka. Tu peux voir ses lettres dans le ciel. Blanc et noir s'élèvent par les voix célestes. Je voulais juste qu'on m'acclame juste une fois. Juste une fois. Parfois j'ai des pensées macabres, excuse-moi, excuse-moi. Je fais pas confiance aux pare-balles, qu'est-ce tu crois, qu'est-ce tu crois. Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce tu bois. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. Je vole un troc comme Nino Brown, tu es ce nécro qui reste dans le hood. Les soupirs qui s'éternisent comme ces rafales sur Abaoud. J'avoue que j'avance dans la douleur, j'essaye de montrer ma force par la douceur. Tout pour le pif comme un poster, dans mon cœur tu demeures. Plus de bombes sous parapluie de Mary Poppins. J'aime recueillir, j'ai mal quand je vais sur la tombe de Pic. Le monde a changé, je préfère détruire que rénover. Souvent quand tu cherches à fuir, négro, c'est qu'il est trop tard pour se sauver. Il est trop tard. Si le temps cicatrise les blessures, c'est que j'ai Alzheimer. Alzheimer. Un touch pour le ghetto a trouvé un designer. Un designer. Avec Nak et Nekfeu, le feu au lac, y'a pas lyrical AKKK. Les menaces se comprennent dans tous les langages. Pa pa pa pa pa pa. L'autotune, fallait oser, fallait oser. Les ailes de mon flow sont déployées. Les ailes de mon flow sont déployées. Change à vue d'œil celui qui s'enfonce dans les ténèbres. Diego, Diego. J'voulais juste qu'on m'acclame juste une fois, juste une fois. Parfois j'ai des pensées macabres, excuse-moi, excuse-moi. J'fais pas confiance aux pare-balles, qu'est-ce tu crois, qu'est-ce tu crois, qu'est-ce tu crois. Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce tu bois. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Et prendre de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. C'est Nak au contrôle de la nocturne, 100% rap français et le Altitude Remix à l'instant avec Nekfeu, avec Mac Taylor. C'est un extrait justement de cet album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. L'album de Nak, un petit clin d'œil au morceau Altitude justement. Exactement, ouais, que j'ai sorti il y a longtemps l'année dernière, que j'aimais beaucoup et qui est un peu passé à la trappe et je voulais lui donner une seconde vie. Ah, une nouvelle vie avec, avec Nekfeu, avec Mac Taylor. Ils m'ont fait des couplets très propres, donc je suis grave content du remix. En même temps, c'est vrai, bon, Mac Taylor, il y a une histoire aussi en commun et en parallèle, j'ai envie de dire, avec aussi bien que son groupe, avec Tandem, qu'en solo. Ouais. Nekfeu, il arrive, il fait partie de cette nouvelle génération qui est arrivée il y a quelques années maintenant. Ouais, ouais. Des gens que t'apprécies, je suppose. Si... Ouais, bah, après Socrate, c'est mon cousin, donc c'est autre chose. C'est histoire de famille. Ouais, histoire de famille. Après, Nekfeu, ouais, c'est quelqu'un que, artistiquement, je trouve que c'est. Avant qu'il. Enfin, après, c'est compliqué parce que je voulais l'inviter depuis longtemps et après, une fois qu'il a pété, c'était un peu. C'était pas simple de l'inviter, tu vois. Tu sais que tout le monde allait jeter sur le feed, tout ça. Après, je l'ai quand même fait, je suis content du morceau et voilà quoi. Et c'est un bon gars humainement, c'est une crème. Ouais, j'ai demandé justement, toi qui as vu aussi, qui a suivi cette évolution du rap, t'aimes bien la scène actuelle et des gens voilà, qui te touchent en particulier. Ouais, des gens que j'aime bien et des gens que j'aime moins, frère. Même. Pareil, il y a 15 ans, c'était pareil, c'est toujours pareil de toute façon. C'est toujours pareil, ouais. Ouais, c'est toujours pareil. C'est juste les noms qui changent. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui résistent. Mais il y en a toujours, il y en a que dans la scène actuelle, que je trouve qu'ils font du bon taf. Même dans le rap léger, il y a des trucs qui me plaisent, tu vois. Il n'y a pas de. J'ai pas de rayon rap spécial, tu vois. T'es pas sur une écriture particulière. Non, même si c'est léger, si ça me parle, s'il se passe quelque chose, s'il y a de l'énergie, si ça dégage un truc, je suis client. Toi, à l'époque, c'était qui t'avait. Par exemple, donner envie de rapper, c'était quoi? Beaucoup les sons ricains ou il y avait quand même une scène française aussi à l'époque qui commençait à exploser? Moi, c'était plus Solar, tout ça. Mmh. Solar, les mecs écrivaient. T'avais été signé sur le label de Ménélic aussi à une époque? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ça va, t'es un ancien. T'es un ancien. Je me souviens quand même. T'as les infos. Ouais, on avait sorti Soldafada, ouais. Ouais, Bobby Terminus avec Soldafada. Ouais, c'est une bonne aventure. Ben, sans Ménélic, on aurait peut-être jamais entendu. Rappé quoi, sans Ménélic, sans plein de gens, sans les 10, sans Marc de Bombata, il y a toujours quelqu'un qui te met dans le bain, entre parenthèses. Qui te met dans la boucle, tu y es toujours. Ouais, ouais. Avec des dates aussi, tu vas être en concert aussi prochainement, parce que ouais. Nak, il y a aussi. Aller le voir aussi sur scène, parce qu'il y a quand même pas mal de dates que tu fais chaque année. Ouais, là, le 4 mars, je vais être à Nanterre, si je ne m'abuse. Et après, en avril, j'ai des dates en Suisse. Le séquence, c'est le 9 avril. 9 avril, à Montreux, ouais. 9 avril à Montreux. Après, il y a une date au Blanc-Ménil, je me rappelle plus de la date, mais bon. Pas loin de la maison. Voilà, on va communiquer sur les dates. Sinon, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, hein, pareil, on peut te retrouver. Ouais, sur Twitter, Nak Mendoza officiel, Facebook, Instagram. J'ai pas encore Periscope parce que c'est périlleux. Ah, tu n'as pas tenté Periscope encore. C'est périlleux, frère. Tu n'as pas envie de te lâcher sur le rap français, ouais. Par exemple. Non. Non, j'attends un peu. J'attends. T'as pas un bon pote avec qui tu pourrais faire un périscope et une chicha? Ouais, j'ai un mec qui te pialait bien sur ma gauche. C'est chaud. Mike, je suis qualifié pour ça. T'as la chicha de près, on peut balancer le périscope de toi, non? C'est de l'humour, bien sûr, c'est de l'humour. Bah, évidemment. Il s'agit que de ça. Et on salue Serge Aurier, évidemment. Ouais. Je sais pas s'il rigole beaucoup en ce moment, mais. Ouais. En tout cas, lundi, ça rigole beaucoup, lundi, ça, lundi, ça les fait bien rire, ouais, en tout cas. Ouais. Bon, la nocturne avec Nak au contrôle, tu veux qu'on reparte sur quel morceau? Est-ce que tu veux qu'on aille justement écouter un son un peu plus ancien? Est-ce que tu veux qu'on reste sur ton album? On va s'écouter un morceau avec les 10, on se reverra là-haut pour faire. Ah.

100% rap français, planète rap. Elle a plus la nocturne. Yes. Nac Mendoza, frérot. L'avocato, DJ Blaze, Nizi. Je crois que j'écoute plus de rap à Paris, con. Je reprends le taureau par les cornes, MC Julie Lescaut. Plus tu l'ouvres et plus tu parais con. Condamné par la vie, c'est pire que par la justice. Quand t'es sans bagage, ben tu t'écrases, parachutiste. Je vois que DJ plaise et vénère, donc j'âge pas de 16 éphémères. Un révolté sans conviction mettra les pièces des FMN. Un monde sans démol, quand le talent égale la sieste. Époque Galaxy S avec un QI qui gratte à le silex. Putain, c'est Instagram qui se fout des polaroïdes. Un monde sans les bolas horribles, quand notre cœur épaulera nos rythmes. Faut que les fanas comprennent, c'est pas les si Faya qu'on paye. L'ombre au tableau, c'est pas la faute de la femme à l'ombrelle. C'est triste en Charles Chaplin. Je me fous des Kardashians, y'a trop d'écart d'argent. À 50 pistes, j'aurais une soie de Chaplin. Un monde sans les jaloux qui naissent, sans les choix ou Kleenex. Je veux finir dans The Source, pas une revue de Charmoul Guinness. Sans juger l'apparence dénigrée par l'image. Que les jeunes préfèrent les livres des Mingwe que par image. Entouré de rues immenses, contenté de rues d'immenses. En mélanine ou Benjamin, des fois ce serait bien qu'il y ait des trucs qui manquent. Dans ce putain de rap, depuis les 90s, tellement vrai, appelle-nous nos profils et narcisses. Super lyriciste, yeah. Putain d'artiste, on a le logo, le titre, yeah. En plus qu'un graphiste. Dans ce putain de rap, depuis les 90s, tellement vrai, appelle-nous nos profils et narcisses. Super lyriciste, yeah. Putain d'artiste, on a le logo, le titre. Ok, ce que tu cherches, moi, je l'ai déjà, je veux pas l'avoir, eh. Bébé MC, tu parles à WAM, jeune padawan. Je ferai jamais le même style de rime que leur rap, c'est comme Apollo Creed. S'il meurt, il meurt. Chien sans laisse, check. Cri de détresse, jeunesse sans issue, lâcher du lest. Trahir, je leur laisse, je n'ai jamais su. Des news d'Africa, Bemba, attends, moi encaisser les coups. T'sais, j'ai appris ça, pas de papa. Frère, sur la tombe du fauve, mais des fleurs, le fond. La forme et les pleurs, frappe comme Floyd Mayweather. Fais pas style, c'est Chétan qui a le plus de buzz. Moi, je trouve ça triste que des mecs mangent moins bien que le jeune Catherine de Neuve. Qui te ferait plaisir nous voir abdiquer. C'est dead, toi t'es RIP, qu'on font pas d'indiquer. DJ Blaze, l'amour du hip-hop contre une mallette offerte. Le rap c'était mieux avant, ah je sais plus, Magneto, Serge. Dans ce putain de rap, depuis les 90s, tellement vrai, appelle-nous nos profils et narcisses. Super lyriciste, yeah. Putain d'artiste, on a le logo, le titre, yeah. En plus qu'un graphiste. Dans ce putain de rap, depuis les 90s, tellement vrai, appelle-nous nos profils et narcisses. Super lyriciste, yeah. Putain d'artiste, on a le logo, le titre. Une pointe de bique en titane, dites-moi qui fera la diff. J'kiffe les beats crades et j'y crache ma salive. Qui cache maladif, ils veulent que je freestyle sous Valentine's. Que je parle davantage d'argentin, c'est pas dans Diam, c'est pas mon taf. Loin des petites bourges, bimbo et prof de salsa. On kiffe trop les clics, boom, primo et Royce de 5-9. Et quand les batteries clignotent en rouge, ils invoquent les 90s, prions notorious. Donne un casque, un beat et un passe Navigo. Sache que je ne prends pas les flics pour des matchs amicaux. J'aime trop gratter, barrer mes ratures et refaire mieux. Lâcher des bombes en live du RERE. À coup de schlasse, j'découpe, j'kick, pas de chichi. J'écoute Nas et Good Kid, Mad City. Il méprise mes goûts musicaux. Moi je remets de l'huile sur la feuille et j'écris du bout du zippo. L'écriture, c'est art en perte de vitesse. Ils n'ont plus les pieds sur terre, mais car en paire de sneakers. Non, j'ai pas le flow qui fera des miracles, mais je représente comme un maillot bleu floqué, fly et mirate. J'rappe sous X et j'kick ça par césarienne. Fiat Music, c'est le freestyle du siège arrière. Merde, j'ai l'œil d'un artiste, torpère, un Martin Scorsese, un Stan Smith, Cortez. En team boost, chemise en jean, goose ou veste de ski. Et demande plus, boost de best, MC, Lavo. Mes refrains n'a quel indice. Ne m'appelle pas rappeur, mais MC, j'ai marqué la diff. Pour son rap français, planète rap. La nocturne. Alex au mille et la terre tremble. Quant à moi ça passe, quant à Bertrand ça casse sur du super 30. Je vous ai vu du père, moi. Certes, je vais finir la soirée à rapper torse nu comme le DRH d'Air France. Le cul bordé de pâte, Lidl, j't'explique que je n'ai pas de leader, saute pas le liqueur. Starfall là, on me dit qu'il est devenu Fat Bieber. Arrête de me demander de faire du Mad Lib. J'suis à la fois la peste, syphilis, corbute, foutez-moi la pêche, j'suis distordu. Foutez-moi la merde, j'sais pas où m'foutre, j'dérive d'or plus. J'sais pas où m'foutre, comme le bracelet électronique de Pistorius. Disquette, j'te déblatère, j'te mange de ces blatères. Mais dis-moi que je te manque, je te cède la terre. Je cherche un gilet fluo dans un fouillis de calibre. J'ai l'air autant détaché que les mains de Koulibaly. J'suis différent, j'suis pas vraiment gentil mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant mais j'ai un gun quand même. Cette vie je la trouve moche mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain, j'suis différent. J'suis pas vraiment gentil mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant mais j'ai un gun quand même. Cette vie je la trouve moche mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain. Sont à propos de qui est Charlie, qui ne l'est pas. Je suis à propos de survie, de bif, kill de meca. Chaque jour je me réinvente et chaque nuit je me suicide. Dieu merci j'ai mes cinq sens, quelque part je suis béni. Troisième et grand ouvert, vision pénible. Depuis quatre siècles, je traîne au fond de l'Atlantique. Je t'apprends rien que G, plus pourri qu'un flic. Deux flics, aigle de nuit. Éteindre vos étoiles, ma règle de vie. Et au-dessus de ma feuille plane, au diable père, grand-père, Cobain et Biggie. Yves survole Paris et vapeur de Kaipi se dégage de l'hémicycle. J'suis différent, j'suis pas vraiment gentil mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant mais j'ai un gun quand même. Cette vie je la trouve moche mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain, j'suis différent. J'suis pas vraiment gentil mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant mais j'ai un gun quand même. Cette vie je la trouve moche mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain. Alcool, teuf, test, j'ai stoppé les trois. Tu me l'écho, moi je suis à Lyon, y'a que chez le veto que j'ai les droits. Droit, en parlant droit, putain là ça sème de Goldman. Il m'a dit dans le rap, tu cours à ta paire, pauvre nac. Ibrahim Mamadou, passe à Pierre, Paul, Jacques. Mes gosses écoutent mes rap, donc la chatte à personne, man. Pète tes dettes, fais pas ton beurre, man. Repose-toi, fais pas ton burn out. On veut une France black, blanc, burn out. Esprit bulletproof, des tests pour et poudre. Vous êtes ouf, quand ça parle de sous, j'pèse le pour et le pour. J'rigole pas. Avec mes sauces comme Philippette, je baisse. Mon cœur, c'est le best des best. Les miens, tu les baisses, je te baisse. T'en rappelles le mien, le vrai foot est FIFA. Le rap français, à la santé, celle de Bouteflika. Eh, fuck ton cher, c'est même si c'est dans l'ordre. C'est injuste, tes mains sont faites pour la merde, elles sont dans l'or. Oh. J'suis différent, j'suis pas vraiment gentil, mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant, mais j'ai un gun quand même. Cette vie, je la trouve moche, mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain, j'suis différent. J'suis pas vraiment gentil mais j'ai un cœur quand même. J'suis pas vraiment méchant mais j'ai un gun quand même. Cette vie je la trouve moche mais j'ferais pas le cœur Cobain. Cœur Cobain. J'suis différent. Mais j'ai un cœur quand même. Mais j'ai un gun quand même. Cœur Cobain. Cœur Cobain. J'suis différent. J'ai un cœur quand même. C'est la Nocturne, 100% rap français. C'est Nak qui a pris le contrôle de la Nocturne ce soir avec son projet Dark Sun 2. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Et on écoutait un morceau Kurt Cobain à l'instant. Kurt Cobain, ouais, c'est remix. Un morceau que, ouais, remix, en fait, c'est un morceau de Joe Lucas à la base, de son No Name. Son projet, c'était No Name. Et j'avais vraiment kiffé le morceau, donc je lui ai dit, violent, pourquoi pas faire un remix sur mon projet, tu vois. Et je trouve que franchement, c'est mon, ouais, c'est mon petit chouchou, celui-là, j'aime avec, beaucoup. Avec Dixon aussi qui est présent. Ouais, sur... Dixon, ouais, Dixon, exact. Kurt Cobain remix ce soir dans le studio Monseigneur Mike, Ladies, Nak, qui est là, qui a pris le contrôle. Vous voulez annoncer aussi des choses pour. Ouais, non, je voulais dire juste le morceau Mike qu'on a écouté. Oui, et puis il y avait un morceau auparavant. Ouais, le morceau qu'on a écouté avant, Super Lyriciste, Ladies et Nak, c'est extrait de la compile de DJ Blaze qui s'appelle Appelle-moi MC Volume 2, qui est sorti en février dernier, qui est toujours disponible dans les bacs et sur iTunes. Et sinon, pour les 10, des sorties en 2016, des choses qui arrivent? Non, pas pour l'instant. On réfléchit, on réfléchit. Ça réfléchit on stat. Durement. Ouais, on stat, on stat. La réflexion. Monseigneur Mike. Ouais, il faut aller sur astronaute.fr. Astronaute2s.fr. Et on pourra trouver quoi sur Astronaute? Des musiques originales de moi. Après, il y a des vidéos aussi. Et bah, allez cliquer, allez faire un tour. Vidéo de... Âme sensible, s'abstenir. S'abstenir. Ouais, âme sensible, rester à la maison. Toujours. Non, mais tous les morceaux que je fais en ce moment, c'est pour mon site. Donc tout est là-bas. Et après, il y a des vidéos, ouais. Et bah, allez faire un tour, allez cliquer. En attendant, et puis aussi, allez cliquer pour récupérer cet album qu'on peut avoir tout de suite. Hein, à moins que vous aimiez bien le support physique. Donc ça, c'est demain. Ouais. Toi, t'es plutôt support physique, je suppose, Nak, non? Moi, je suis à l'ancienne, moi, j'aime bien mettre. Je suis dans l'appareil, le CD, je préfère. Hop. Mais bon, je sais que ça a changé maintenant, c'est voué à mourir un peu. Mais en tout cas, c'est disponible dans tous les supports. Ou pas, regarde, attends, le vinyle est revenu un moment. Ouais, ouais. Vintage. Vintage. Ouais. Vintage. Nak. Le vinyle est revenu?

Ok, Dosa, 1. Je préfère être un sujet chez les blindés que le roi des pauvres. Je m'étais juré d'être riche techniquement, je me dois des loaves. Le cœur est tendre, les pecs sont fermes. Et me couronner, il serait temps, réflexion faite. Faut le faire sans fève. Je voulais pas de taf, c'est simple, je voulais des thunes. Je voulais croquer la vie, le monde et pas leurs 5 fruits et légumes. Oh, fuis le hall, frère, c'est bien de le dire, oui, mais faut le faire. Harlem check sur les ruines du Wall Trade. Faire le signe de croix va pas beaucoup t'aider. Croupier, fais gaffe, y'a mon paftard au bout des dés. On m'a dit, vise le ciel, pas ton plafond. J'espère mourir avant de dire pardon, patron. Ouais, c'est triste, mais bon, les âmes pourries, c'est ton fils. Fait son bif dans le porno pour X raisons. La vérité transforme ton malaise en honte. Ouais, papa est en bas, le chômage est en hausse. J'aimerais crever, crever là où je traîne, mais me relever. Mais j'ai la flemme, la rue est tendre, la prison ferme. Quand il est tendre, non, je trouve plus le thème. J'aimerais crever, crever là où je traîne, mais me relever. Mais j'ai la flemme, pleurer. Non, non, c'est plus la peine, je veux y aller. Je veux pas qu'on m'appelle. Je préfère être un fils d'immigré qu'un fils de borne. PS, j'ai pas fait disque d'or, non, que des disques d'hommes. Ton gamos, frère, la vérité, je m'en fous de l'HD. Qu'est-ce que tu me fais chez moi? Je suis la vérité en full HD. Oh, marrez-vous, le compte en banque, toujours esquinté. Marre des coups, résultat des courses, tu joues au quinté. On se fait confiance comme si on était deux trapézistes. Mais si tu merdes, l'un d'entre nous sera tétraplégique. Pour des chômeurs, je trouve que la plupart sont zen. Frère, quand j'aime, je le prouve, j'appuie pas sur j'aime. J'avais peur d'être un frein, donc je voulais plus laisser mon putain train me rouler dessus. Souris, t'es filmé sur le périph, 230 plein de périples. Évite de descendre, t'évite ces résidents, tes villes. Évitant qu'il y a que pour le bif qui s'entendent. Ils ont tiré sur le rap qui se vide de son sens. Oh, j'aimerais crever, là où je traîne, me relever. Mais j'ai la flemme, la rue est tendre, la prison ferme. Quand il est tendre, non, je trouve plus le thème. J'aimerais crever, là où je traîne, me relever. Mais j'ai la flemme, pleurer. Non, non, c'est plus la peine, je veux y aller. Je veux pas qu'on m'a préfère mes traits de singe que la gueule de Michael Cole. Man, j'ai le cœur sur la main, y'a plus de mal que de peur. La violence prime, le bilan est triste. Et les éminences grises veulent voir ma bilance string. Nous, on a des grandes gueules, certes, mais des finances timides. Avant de mourir, tu vois ta vie des finances streaming. Tu vas pas réduire ma faim, t'as pas une thune à gauche. Frère, t'es pas le parrain d'une mafia, t'es le parrain d'une assoce. Auras-tu le courage de mendier ou pas? Étouffe pas leur porte, que Dieu m'en soit témoin de Jéhovah. Ton flow bof bof, ouais, ça saoule beaucoup. Première partie, la foule te boycott pour Schoolboy Q. Si j'y étais, oh frère, c'est que je devais y être. La daronne m'a demandé de veiller à mourir de vieillesse. Si j'y étais, frère, c'est que je devais y être. La daronne m'a demandé de veiller à mourir de vieillesse. J'aimerais crever, là où je traîne, me relever. Mais j'ai la flemme, la rue est tendre, la prison ferme. En dilettante, non, je trouve plus le thème. J'aimerais crever, là où je traîne, me relever. Mais j'ai la flemme, pleurer. Non, non, c'est plus la peine, je veux y aller. Je veux pas qu'on m'amène. Planète rap, 100% rap français. 2014, les 10, Easy, Kids of Kraken, Dundas, l'avocat. Moi, je suis à la fois un papa et un rap artiste. Je cache un parc à sous ma gabardine et parfois je gratte des actes de barbarisme. Je mène pas la vie de footballeur. Oh Mike, je suis incroyable. Au taf, je suis David Bruce Banner. J'ai dit moi je peux app. T'inquiète chérie, je lâche ce taf. Dès que je signe chez Shady Aftermath. Non, je rêve pas du quotidien des stars. Je rêve d'être ce lyriciste au pic intestable. Beaucoup pensent réussir en perçant seul. Quand je rappe, je suis moi en version jeune. Et mon micro lâche trop de rimes écrites au taf. Prodige, non juste un type aux phrases audibles. Les rappeurs font les gros titres, des mythomanes, pro deal. Mais je vais pas chez là, je suis pas chez moi. Dans ce game, je suis Nicolas Brody. J'ai vu leur clip, ouais, des parodies exceptionnelles. Les rimes sont aiguisées, la carotide est sectionnée. Et quand j'ai la foutue flemme d'écrire, envoie une prod et j'en fais ma future scène de crime. Je suis vieux et plein de principes, rimeur instinctif. Et j'ai plus inf qu'un petit kicker de 25 piges. Donne-moi un stade et plein de stan. Je suis un genre d'Einstein lyriciste, instinct primitif, instinct. stable. Sans mon dick et ma caféine en guerre contre moi-même. Je suis big et machiavélique. Je trouve quelques rimes écrites dans mon trône. Pour être le king, je suis Kendrick dans contrôle. Les bruits courent, nous on piétine tous. Les MC attendent leur tour depuis paid in full. Moi y'a 15 piges, je crachais des rimes quasi aussi chaudes. 30 barres résistantes, style quasi aussi choc. Sous un ciel assorti à mes nagues grises. Je suis qu'un rookie, tout droit sorti des 90s. L'avocato. Entre parenthèses, hey, j'écris des rimes quelque part en stress, hey, un dernier kiff et je pars en train, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, ma crise de la quarantaine, ma crise. Je rappe depuis 22 ans, deux décennies de croquage. Si nos rêves partent en lambeaux, ben nous on roule en DCI d'occasion. Je rêvais de Bercy mais je rappe au mise, mise. Toutes mes fautes commises, mise. Y'a plus de calme olympien, j'ai le gant de Tommy Smith. C'est pas un passe-temps simple, tes gosses, ta wife enceinte. Rapper une heure alors qu'en taf 35. Quand la vie t'appelle, t'absent prémisse. T'es à main nue car trop d'absentéisme. Personne n'est bilingue avec l'accent théisme. La couronne ou bonne et dan, la folie ou le pouvoir. Cherche pas ta bonne étoile sur Hollywood Boulevard. Eux ils sont bien t'écho, plein d'égo. Plein d'ego, y'a plus de fair play, ils prennent le mic avec la main de Diego. Pendant que je fais mes courses au Lidl d'en bas, je crois que l'arbitre connaît les règles de son game, c'est l'auditeur lambda. Toi tu vois compris app, donc t'as compris le rap. J'en ai touché des gros cachets, je suis hypochondriaque. Un jour leur hip-hop, peut-être auront des clips propres, peut-être Chief a roulé une Maybach. Maintenant Rick Ross le guette, prend des Reebok, pas des Adidas. Car je suis classique, pas superstar, mon tante, j't'ai déjà dit as. Lavo et mon frelonac, jamais défaitiste. 10 ans qu'on me dit qu'il y a le feu au lac, on est des phénix. On écrira pendant les RTT la pause clope. C'est pour les 10 pour perpétuer l'apostrophe. Et l'apostrophe. Entre parenthèses, hey, j'écris des rimes quelque part en stress, hey, un dernier kiff et je pars en train, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, hey, je fais ma crise de la quarantaine, ma crise de la quarantaine, ma crise. C'est la nocturne 100% rap français avec un son des 10 à l'instant sur Skyrock. Ouais, les 10. Les 10 qui sont là aussi avec toi, Nak. Ouais, ils sont là. Ils vont. Ouais, c'est un son qui s'appelle Acte de Barbarisme qu'on a fait ensemble, Lavo et moi. C'est les techniciens du rap français, il faut savoir. C'est les grands, grands techniciens du rap français. Avec, une, avec une mémoire incroyable. Tu t'es habillé comment le jour d'ailleurs où vous avez enregistré ce morceau? Comme un barbare. Si je dis ce que j'ai envie de dire. Il y en a qui vont se retourner dans leur tombe. Oh ah merde. Non, merde, il est pas encore mort. Oh merde. Les 10 avec Nak au contrôle de la nocturne, 100% rap français. Darkson, ça y est, c'est dans les bacs. Dans les bacs, Darkson 2. Darkson enfin. 2. La suite de Darkson hein, qui était sortie il y a combien de temps maintenant Ça fait. Ça fait faire 4 ans quand même. 4 ans déjà. Hein. Ça va vite. Hein. Ah ouais, ça défile. Mais en fait, ça devait être la suite, mais en vrai, ça, c'est plus un album que le premier Darkson, qui était plus une compile et plein de. Et 21 rappeurs. Là, ça a plus la tête d'un album quand même, frère. Mais bah, sinon. Là, c'est vrai que sur l'album en featuring, on le disait, il y a Nekfeu McTayer, il y a Joe Lucas et Dixon, et Lino aussi. Lino. On va s'écouter Lino plus tard. Un petit peu plus tard. On repart d'ailleurs pour une dernière session de 3 morceaux. D'accord. Avant de passer au live, tu nous feras un live aussi, Nak. Ouais, dans quelques... un live de Mama. Mama, ouais. Si Dieu veut. Ça arrive, tu veux qu'on reparte sur quoi? Tac tac. Un peu de soleil, le temps d'une vie. Laisse-moi chercher. Le temps d'une vie. Le temps d'une vie. Ouais, le temps d'une vie. Un peu de. C'est un point move hein, si tu le cherches. Un MP3. Alors je vais chercher le point move pendant ce temps-là. On écoute. Le temps d'une vie. Check. Ok. Prends de sonar. Ok. Check. Comment se fait-il que j'ai autant de carences affectives. Ce qu'on a fait les petits commence à faire pire. Putain la merde, comment c'est fertile. Tu veux une taf, oui, ça vaut plein de oui. Ouf, comme de oui, putain let's do it. T'as l'ouest, oui, RSA, père de Zanotti. Couronné, on perdra pas nos titres. Ils disent que la merde ça parle aux petits. Moi mon cam, je le perds dans un low kick. S'ils nous crament, on va perdre les allocs shit. Dans la rue, y'a les frères et les salopes shit. Petit prince, ce bouffon est forfait. Dessine-moi un mouton égorgé. Ton ado fait chier, pendant que ta femme taffe les abdos fessiers. Tu veux le corps d'une équipe, pour ça faut des thunes. Avoir son fessier coûte la peau du cul. Les puristes décèdent de que la prod est tue. Période d'essai, de quoi parles-tu? J'ai des référents genre rock, c'est rookie. J'suis un vétéran avec la forme d'un rookie. J'tire ma révérence, sert que c'est l'outil. La persévérance, c'est ma putain de routine. J'ai des référents genre rock, c'est rookie. J'suis un vétéran avec la forme d'un rookie. J'tire ma révérence, sert que c'est l'outil. La persévérance, c'est ma putain de routine. Dans leur monde, je m'ennuie. Viens on s'évade, viens on s'enfuit. Sans eux, on se suffit. Juste le temps d'une vie. Dans leur monde, je m'ennuie. Qui sait, je vais mourir aujourd'hui. Laisse-moi être qui je suis. Juste le temps d'une vie. Il y a ta vie, il y a ta vie. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Il y a ta yo yo. Il y a ta, il y a ta. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Pour les mecs au-dessus, moi, je vois aucune loi. C'est dur comme le shoot de Joachim Noah. Tu veux la reine, c'est le roi qui l'aura. Quand tu vois une goutte, je vois qu'il y a de l'orage. On a le time, eux, des milliards d'euros. J'ai la dalle depuis We Are The Wall. Y'a des facs, mais combien il y a de hall. Tu m'effaces pour une biax, t'es hoge, t'es hoge, hein. Vois son art, j'aime cette batterie. Je suis un fantôme comme James Saint Patrick. Rejeté de partout, jeune, sans patrie. Mais je m'en sors, argent sans batterie. Tu veux le maillot de Zlatan, j'ai mon gaillard. J't'ai eu celui des viandes, ton nom gaillard. C'est chaud. Donc je vais pas trop le faire. C'est pas ton level, laisse le patron le faire. Donne-moi la main de ta fille, fais pas ton le peine. Je ferai pas de peine, je ferai pas de longue peine. Or ce style c'est le mien, c'est pas toi le père. J'ai une maison, des disques, mais pas de la peine. Maman c'est, maman ça, maman cousa. Y'a du mafé, des massages, du macosa. Tu vois la foule s'amasser, y'en a cause là. Tu veux pas te ramasser, touche pas le cosmos. Maman c'est, maman ça, maman cousa. Y'a du mafé, des massages, du macosa. Tu vois la foule s'amasser, y'en a cause là. Tu veux pas te ramasser, touche pas le cosmos. Dans leur monde, je m'ennuie. Viens on s'évade, viens on s'enfuit. Sans eux, on se suffit. Juste le temps d'une vie. Dans leur monde, je m'ennuie. Qui sait, je vais peut-être mourir aujourd'hui. Laisse-moi être qui je suis. Juste le temps d'une vie. Il y a ta vie, il y a ta. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Il y a ta yo yo yo. Il y a ta, il y a ta. Juste le temps d'une vie. Yata, yata, yata. Juste le temps d'une vie. Yata, yata, yata. Juste le temps d'une vie. Yata, yata, yata. Juste le temps d'une vie. Rap français, planète rap. La nocturne. Viens voir ma vie de près, je fais pas semblant. Fils d'immigré, passé sanglant, veulent m'imiter. Frapper sans gants sont limités. Je peine dans le sang d'encre, le bateau quitte les côtes. Ça donne naissance à des kilos de coke. Je gagne pas à l'heure, fucking loto. Je triche mais c'est Dieu qui siffle les fautes. Je vole aux riches, mais skin les pauvres. T'es mieux que moi, qu'est-ce qui me le prouve. J'éteins, je sais pas ce qu'il me trouve. En te poussant en danger, j'esquive le trou. Je taperai pas dans ton kilo tout. Moi j'aime la drogue tant qu'elle est douce. Moi je voulais une vie tranquille et tout. Mais je taperai pas dans ton kilo tout. J'ai même pas ce qui nous pousse. J'voulais ta vie enculé de bouge, on sort des assises, aucun est debout. Ouais, je te jure, aucun est debout. Oh, j'ai fait du mal. L'avocat a dit au juge, avait-il le choix? Hier soir, j'ai craché ma haine dans une file de joie. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers? Yeah. Ne me juge pas. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on les fâche. Tu me juges toi depuis quand les juges ont des casiers. Les dons armés.

rire en chantant. Mon Dieu, c'est tant. Les yeux sont mouillés, sans qu'il pleuve, donc je veux pas qu'on me voie. Va voter, sois un peu responsable, ne fais pas comme moi. Frérot, tu devrais faire du bien pour voir ce que ça te ferait. Ton amitié, c'est de l'à peu près, sale trait. Arrêtons le massacre, on veut la paix, on t'embête. Salarié, tifata, on me paye au lance-pierre. Le crash de ma carrière est passé tout près d'une artère. J'aurais dû faire médecine, frère, docteur Dre, milliardaire. Notre musique, un chewing-gum qui au fond n'a plus de goût. Moi je suis comme un putain de Jack O'Jar dans un format plus court. J'mène un chave, même le pape est sur Snapchat. Naki Black App, c'est pour ça que mes punchlines charment. Pacifique, mais avec un siège, je les gifle. Joue au jeu des chaises musicales avec des chaises électriques. Pacifique, mais avec un siège, je les gifle. Joue au jeu des chaises musicales avec des chaises électriques. Cette putain de mélodie, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'elle est belle. Aimer ou être aimé, y'a rien de tel, rien de tel. Je prends ton cœur, pas juste prendre ton tel. Putain, votre monde est moche, je me fais la belle. C'est d'elle pour que je m'éteigne dans leur jardin d'Éden. Rester en vie, j'essaie mais je sais, mais je sais. On clash avec mes penchants, mais le ciel m'entend. Mourir en chantant, mon Dieu c'est tentant. Dark Side 2, Dark Side 2, Dieu, Dieu. On est back, frérot. La Nocturne, c'est 100% rap français. Nac au contrôle de La Nocturne. Toujours, toujours. Pendant quelques minutes, à l'instant, Monseigneur Mike, on l'a perdu. On a perdu. Non. le soldat Mike. Du tout. Retrouver le soldat Mike. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? Transporté. Hein? Ah ouais, t'étais transporté par le son, en fait. Ouais. Ça l'a emporté, frère. C'est la musique. Ça, à nos âges avancés, ça nous transporte, frère. C'était Mourir en chantant, c'est extrait de ton album Darkson 2, qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Sorti de cet album qu'on fête ce soir dans La Nocturne. Exactement, ouais. Et avant de se quitter, on finit avec un petit live, peut-être. Ok, on va faire un petit. Même un gros Mama, live. Ouais, un gros live. Mama, c'est le morceau le plus important de ma vie, je pense. Et c'est mon petit chouchou. C'est ma carte de visite. Je peux m'arrêter de rapper après ce morceau. C'est vrai. Ouais. Et tu vas pas t'arrêter, je pense. Non. T'as toujours la passion, t'aimes toujours ça. Ouais, beaucoup. De plus en plus. C'est bien. C'est vrai. Je m'étonne même tellement j'aime ça. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, vraiment. Il y a des moments où tu dis, oh, je pourrais peut-être arrêter, décrocher ou. Franchement, jamais. Jamais? C'est ça qui m'étonne. J'aime beaucoup la musique, moi. Je suis un amoureux de la musique. Je sais pas si t'en reçois beaucoup des vrais amoureux de la musique ici. Mais en tout cas, j'en ai un. Voilà, au moins. Voilà. Les 10 beaucoup. Ouais, les 10 beaucoup. Ouais, on aime bien la musique, mais on aime aussi autre chose, quoi. Voilà. Le tête blanche, tout ça. On écoute Mama maintenant que tu nous fais en live. Vas-y. Check. Dosa. Check. Débarqué d'Afrique, pense en trouver une terre idyllique. Plus tard tes enfants ont trouvé une terre où dealer. Vécu à l'arrache, ce putain de bitume à la dalle. Maman se tue à la tasse sans jamais demander des culs à la caf. Papa t'a pêché Peugeot quand il tombe malade, j'ai dit pige. J'ai dit au bout Mara, aide-moi please. C'est qu'un bout de ma life, un épisode tout. Le poids de la mifa sur les épaules frêles de maman. La chanson la regarde de travers, mes frères et moi vu qu'elle nous t'aima mal. Papa va plus mal que prévu, maman pleure en douce, je l'ai vu. Elle nous fait croire depuis le début que ça ira, hélas papa n'est plus. Jeunesse dans de beaux draps, j'ai fait mes gammes dans les drames. À l'époque j'étais gamin mais je voulais tellement te prendre dans mes bras. Et te dire maman ne pleure pas, je t'en prie maman ne pleure pas. On est là maman ne pleure pas, ça ira maman ne pleure pas. Ne pleure pas maman ne pleure pas, je t'en prie maman ne pleure pas. On est là maman ne pleure pas, ça ira maman ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde les hommes tomber. Oh mon Dieu regarde les hommes tomber. Regarde les hommes tomber. Check. Forcé à faire la vaisselle, on rentre à 19h si on sort. La vie est une jungle, maman est une lionne qui prend bien soin de ses lionceaux. Méché, que tu ne voyais éméchés quand on revenait de boîte. Avec certaines filles, j'ai gaspillé des je t'aime qui te revenaient de droit. Quand bien même, t'étais là pour nous, nous, on avait la rue comme belle-mère. Mon frère veille sur moi, mais ça l'empêchera pas d'aller en tôle comme Père Noël. Le décès de papa, en fin de compte, c'est ça qu'on digère mal. Et les pauvres 50 francs d'argent de poche de l'époque, t'es trop peu pour des Air Max. Maman ne voulait pas de millions, non, mais des fils bacheliers. Elle entend les flics, mais pas sonner. Puis le clic de bracelet, je te vois assise, parloir maison d'arrêt bois d'Arcy. Dire à mon grand frère, voilà fils, tu voulais ta liberté la voici. Et il t'a dit, maman ne pleure pas, je t'en prie, maman ne pleure pas. On est là, maman ne pleure pas, ça ira, maman ne pleure pas. Ne pleure pas, maman ne pleure pas, je t'en prie, maman ne pleure pas. On est là, maman ne pleure pas, ça ira, maman ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde les hommes tomber, tomber. Tomber, oh mon Dieu, regarde les hommes tomber, tomber, tomber. Regarde les hommes tomber, tomber. Hey, regarde les hommes tomber. Yeah, le frérot sort cet été, jure de ne plus jamais y retourner. Né, belle femme bas mille équés, maman ne s'est jamais remariée. On prie le ciel de temps en temps, mais dans le vent, personne n'entend. Après avoir enterré son époux, ma pauvre maman enterre son enfant. Quand ma petite sœur est partie, je crois qu'un peu de maman aussi. Je crois qu'un peu de moi aussi, mais je vois ses yeux dans les yeux de ma fille. Je ne crois pas qu'on soit maudit, non, c'est notre histoire qu'on se le dise. Je m'autorise à m'auto-détruire, c'est mon tour de fuir, je me console. Solitise. Les larmes de maman ne cessent toujours pas. Je t'en prie, maman, dis-nous que t'es fier. On n'avait pas un radis, nous c'est vrai, mais on avait le paradis sous tes pieds. À mes enfants, j'apprends tes principes. Que la vie est ainsi, que si t'échoues, insiste. Et demain, si je dois m'éteindre à leur tour, ils diront, maman, ne pleure pas. Je t'en prie, maman, ne pleure pas. On est là, maman, ne pleure pas. Ça ira, maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Je t'en prie, maman, ne pleure pas. On est là, maman, ne pleure pas. Ça ira, maman, ne pleure pas. Oh maman, oh maman. Regarde les hommes tomber. Oh maman, yeah. Oh mon Dieu, regarde les hommes tomber. Oh maman, oh maman. Regarde les hommes tomber. Oh maman, hey, maman. Regarde les hommes tomber. Oh maman, oh maman. Oh maman, oh maman. La Nocturne à l'instant avec le son de Nak. Ouais. Particulièrement touchant ce live à l'instant, Mama. Ouais, tu vas le faire sur scène? Ouais, je vais essayer. Tu vas essayer de le faire sur scène? Je vais essayer de le faire jusqu'au bout. Ouais. Vous le retrouvez sur l'album en tout cas, Dark Sun 2. Merci vraiment, Nak, pour cette Nocturne. Merci à toi, Fred. Merci. Merci pour cette émotion. Merci pour ces morceaux. Merci pour cet album. De rien. On te retrouve le 4 mars sur scène, hein, c'est ça les prochaines dates? Ouais, à Nanterre le 4 mars, après il y aura d'autres dates en avril, etc., etc. Jusqu'à l'infini, frère. Merci pour l'accueil. Dark Sun 2 dans les bacs, 26 février, c'est la fête du rap. Yeah. Big up à Brave, Yazibaz, Kamnouz et Kouchen. Kouchen qui ont sorti aussi leur album. Ouais, le même jour. Il y avait du monde et c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais, c'était une belle journée, une belle journée. Et continuez à les soutenir des projets comme celui de Nak. Merci à Monseigneur Mike qui était là aussi dans cette Nocturne. Yep, merci. On ira faire un tour sur ton site. Hein. Yes. Oui, astronaute. Astronaute. Avec deux S. Merci au 10 qui était là. Yes, avec nous. Écoute, merci à toi, Fred. On est venu avec le poteau Melka aussi. Je le big up parce que c'est mon frelon. Kamel Papus. Voilà, il y a Nakos. Très grand monsieur. 30 ans d'amitié. On est là toujours pour le soutenir et on lâchera pas quoi qu'il arrive. Que ce soit en acteur ou en figurant, on est là, on lui donne ce fort. Là, il est ému parce que Mama, il l'a fait en live et c'est touchant. On est c'est tous. Un morceau, Là, on a tous la gorge nouée. Je sais pas si ça se ressent, mais nous, on est tous émus. Là, on est tous vraiment touchés. Voilà, big up à Nakos. Hein. Vraiment. On lui donne tout notre ce fort parce qu'on sait qu'il le mérite. Autant dire que Nak, ces derniers mois ont été compliqués aussi. Donc voilà, beaucoup de force à toi et à tes proches en tout cas, Nak. Merci Fred. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. La Nocturne, ça continue pendant une petite heure maintenant sur Skyrock. Et l'album Dark Sun 2 est dans les bacs. Vous pouvez aller cliquer maintenant pour retrouver Nak. Planète rap. 100% rap français. Allez, après ce beau début de Nocturne avec Nak, on continue le son pendant une bonne heure encore. Cool Chain, c'est sorti aujourd'hui, Cool Chain. Avec Lino. Mazik. Cool Chain, Lino.

ma hookah. Vas-y fume, allez fume sur ma hookah. Laps sur fucking laps, c'est de la bomba. Allez fume sur ma slata. Je tire dessus gratuitement, je le fais pour mon frelo. Je lui achète la même montre que moi, parce que c'est mon frelo. Il conduit toutes mes voitures, mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo. L'Apso sur ce morceau. La Crime, Sadek, SCH. Mon frelo remix dans la nocturne 100% rap français arrive du son de Jazzy Baz, qui lui aussi vient de sortir son projet. Ultra parisien, c'est ce qu'on va écouter. Error 404, c'est aussi dans les bacs de Brave. Il viendra la semaine prochaine dans la nocturne Brave. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et puis gros son de Spike Miller avec Monsieur Alonso. On partira pour une petite session ambiance club dans un instant. Nocturne 100% rap français. À fond dans le foot depuis le CP, 19e arrondissement, on joue hiver comme été. 98, j'ai 8 ans, c'est la coupe du monde. Le ballon rond devient ma raison de vivre définitivement. Les années passent, mon père m'emmène au Parc des Princes. Je peux pas m'empêcher de regarder les virages. Ces milliers de gens dans une même chorégraphie, comme un seul homme même quand le score est négatif. Un mur d'écharpe à l'heure d'entonner un hymne, prêt à exploser à l'orée d'un pénalty. À 14 ans, je suis abonné en tribune G à l'élaboration des tifos. J'essaie de contribuer toute la semaine dans les coursives avec les autres habitués pour divulguer nos tafs à l'entrée des joueurs et qu'ils soient stimulés. Je vis pour le blason de mon club et mon association. Comme plus tard avec le rap, je mets tout dans ma passion. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. 15 ans, je fais mes premiers déplacements. C'est le début de la guerre entre Auteuil, Boulogne et ses indépendants. Certains sont possédés, pensent qu'Auteuil est trop coloré. On se tolérait, mes deux simples querelles deviennent de gros merdiers. Je me rappelle à Auxerre, ils chantent la France aux Français. Quand ils lancent l'offensive, je dois me défendre sans trop penser. Tu vois l'esquisse, un drame collectif puisse. Plus tard, une rixe termine en rest in peace. On n'a pas fait ce qu'il pire. Les dirigeants s'en sont frottés les mains pour déloger les miens, revendre le club et récolter les gains. Les médias ont erroné les faits sans très bien raisonner. Assimilant des milliers de passionnés à développer de crétins, c'est trop facile. Faire une morale réprobatrice pour mettre tout le monde dans le même sac et ruiner nos acquis associatifs, c'est tendu. On chantait mais on n'était pas entendu. Tout notre amour pour le club, vous ne l'avez jamais rendu. Je reste un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas. Maintenant j'ai 24 ans. Des années que je suis pas allé au parc. 5 ans d'abonnement derrière moi gravé dans ma mémoire. Je repense à tous mes amis, ma mif, des travées du stade. Comme dirait Fab, ça fait partie de mon passé. J'aimerais croire au retour des ultras et des prix abordables. Mais les clubs pensent comme des multinationales, ne respectent pas nos droits. Voilà la vérité, tout ce qui compte c'est les billets. Pas de place pour des assos qui elles aussi veulent décider. Mais qui sont les dignes héritiers du club? On a vu défiler joueurs et dirigeants. Le stade on l'a toujours fait vibrer. Et ce bien avant les Zlatan, bien avant que préside Nasser. Je te jure qu'il y avait plus d'ambiance à l'époque de Francis Yasser. Donc ouvrez vos oreilles et mettez vos lunettes. Vous avez besoin de tribunes festives, cosmopolites et populaires. Voilà pourquoi on milite, pour que le club soit complet. De Paris à Marseille, je sais que tous les ultras me comprennent. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas. Mafia. Planète Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Tu ne vois pas qu'il est en train de sourire à ton miroir. Il n'y a jamais eu de paradis des gangsters. Oublie tout ce que t'as promis le mauvais fait. Va voir plutôt exploit. Qui ne s'achète pas. Dis-toi que les bâtisseurs de leur villa ont sûrement fait sectar. Il faut se bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, oh. Être solitaire, c'est parfois salutaire. Faites bien que c'est finalement nos cœurs de pierre qui allumeront l'espoir. Hello. Tu travailles toute ta vie pour être pauvre. Pendant que tes gosses ingrapent, tu dois te bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, oh. Il faut se bagarrer, bagarrer. Dans mon bloc, y'a pas l'autre temps. Soldat de l'humanité, en vérité, j'ai choisi mon camp. J'ai perdu du temps, des poteaux, des proches et des montants. Promets, occasion, ton président prend pour un orang-outan. Vie humaine, c'est quoi le tarot? Ma génération saigne, mais ne veut pas de garrot. Toujours plus de haine, gros, toujours plus de paro. Quand Jésus fait la croix, tu penses qu'il fait le charron? Charron. Hardcore, faut se bagarrer pour nos atouts. Donc on se tape d'abord, on réfléchit après. Au pire, on remettra deux, trois coups. Bloqué comme aurait sa négringe. Gros pif, grosse lèvre, comme ça qu'on me distingue. Sénégal, DKR, Terre Apple les mandingues. Quand l'argent part, la plupart deviennent bilingues. Les hommes font la paix, mais 90 flingues. C'était chaud pour Soulo le 13 novembre 2015. Je suis un lion royal, car ici c'est la jungle. Je descends de mon ghetto, t'as qu'à descendre du singe. Molo bolo. On doit se bagarrer, bagarrer, oh. On doit se bagarrer. Tu dois te bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, oh. Brave, tiers monde, bagarré dans la nocturne. Error 404, c'est dans les bacs aussi. Et Brave, il vient la semaine prochaine dans la nocturne. Planète Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Bim bim, le monde est à moi. Allez checker le clip. Vous allez peut-être reconnaître un studio. Ouais. Wesh Fredo. Oh bim bim. Ça fait quoi? Ça fait un petit moment. Ça fait longtemps, hein. Qu'est-ce que tu deviens? Surtout toi. Ok. Début 2000, fraîchement adolescent. Bonne bouille, jovial, marrant. Pour ceux me connaissant. Sorti du 9-4, issu d'une banlieue pourrie. Braco avorté, il était tôt pour mourir. J'ai perdu beaucoup de poteaux, jeune et fougueux. Y'avait pas de jet set, de rap game et de footer. L'époque du 1-8-3 du lycée, des petites copines. L'eau a coulé sous les poumons, passé se rembobine. J'aurais pu percer dans le foot, mais c'était pas mon mec tout. Aujourd'hui je vous rappe ma vie, j'ai une chicha, une Red Bull. J'ai grandi et j'ai su que le silence était d'or. Le succès les bords, tu vois plus rien dans le décor. C'est la vie d'un loca, dans ma vie c'est le tel bord. On misera sur un tocard pour rafler tout le trésor. Je représente la rue, la vraie, me compare pas à ses bords. On aime le poulet, la chehma, quand ça déborde. Trop désillusion, cagoulé, faire éruption. Dans une banquette, finir au help, tu contrôles plus la cuisson. J'ai qu'à derrière un buisson, à faire le pu. Si la maman le sait, c'est sûr, mon grand frère me tue. Le respect, ça fait longtemps qu'on l'a bafoué. Petit frère, ne fais pas le malin, on va te baffer. Pour le rinter, on t'élimine, meurtre aggravé. À la mort, on entra ton blas sur un dos agrafé. J'en place une pour you. J'en place une pour Mambo. Les souvenirs bons ou mauvais, on restera tous des Numbo. À la base on est Hnine, on s'est jamais pris pour Rambo. On s'invente pas de vie, nique sa mère roulée en lambeau. C'est nous contre le monde, poteau, le monde est à moi. La frappe de Ktema, énervé Deltama. Les Schmitt Nesso, j'suis pas là, j'me suis vaisseau à Keshmara. J'veux juste un Vitara, une villa au port du Sahara. Le sourire de Walida vaut tout le pétrole de la terre. Ma famille c'est mon sang, j'fais des deux A avant l'Eden. Bim bim c'est Vérolo, y'a que des anciens pas de rigolo. Même s'il y a prescription, on ferme nos gueules dans les locaux. De la PJ, de l'octrice, on garde la pêche comme des soldats. Dans Paris ça rafale, les gilets on les solde pas. Les moches on les saute pas, on vise la Lulu comme Drogba. Quand on vise on tire, demande à Pogba. Chez nous braqué sans goulka, c'est comme fourré sans podka. Tu finiras dans un caniveau si t'as mis trop de rodka. Notre amitié tu l'as brisée, tu m'as trahi pour une lobsa. Avec la folie t'as frisé, j'flaguais, tu finiras comme ça. À la base on était shab, ceux qui testent on leur faisait du sale. Puis on t'a monté la tête, tu m'as trahi dans un cul de sac. J'ai toujours esquivé la tôle, alhamdoulilah. Y'a trop d'attaï qui me souhaitent du mal, j'me fasse tordre le cou, subah lillah. J'me rappelle des camps, c'est pas au bled avec Ajmen et Mehdi. Je n'ai insouciant, mes galères, je les avais pas prédit. L'orgueil c'est haram, comme le port ou faire des crédits. Je suis connu dans tout Paname, le flingue bien planqué sous le teddy. On m'a dit l'argent ou le plomb, je préfère le platine. Les meilleurs partent les premiers, moi je suis pas prêt de partir. Pot au fuck la bague, c'est des enfants de la patrie. J'attends pas Halloween pour t'apâter quand je veux une gâterie. T'inquiète, y'a le bif, tranquille on te liquide Gadjo. Il rappe comme Nicki Minaj, je marche comme Nicki Scarfo. On arrête nos carrières sportives pour bicrave de la coke. Tu fais ta loi où tu veux, mais pas ici raclo. J'ai toujours porté mes baloches, mi débrouillard, mi bachelor. Calibre dans la sacoche, comme fiston on cache l'or. On voyage sans passeport, Inch'Allah le bled me calmera. J'aurais pas rencontré Abdel Astor si je serais peut-être au quart plat. Mille pensées pour Samy, car quand on aime on compte pas. Je lui fais confiance les yeux fermés parce que le regard ne trompe pas. Jamais je baisserai mon froc, je porte du Ice Moon Manda Khalid. J'arrive déterminé tel un CRS dans une manif. Nick Dolce Gucci dans une fourquilla d'un Khamis. J'ai besoin de me repentir, pas revenir chargé dans Thalys. J'oublie pas qu'on m'enterra sans Gamos en Khalis. Inch'Allah j'irai au Hesh, paierai le voyage à toute ma mif. Tu vois pas le temps passer, même si t'as une quartier Santos. Tu connaissais la merde quand t'es dans le quartier Santos. Les spiffs se tassent et ils se vident, les frères se tapent. Toujours la même pour une meuf, un verre de Jack. Y'a pas d'entente, on se tire dessus pour un terrain comme les fouteux. Aujourd'hui t'es tout, demain t'es rien. Beaucoup de mes potes sont passés par CJD, par le D1. C'est transfert qui t'attend quand t'as laissé un témoin. La nature. Dernier des derniers, donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. Quitte-la, c'est la fin de ta carrière. Descends. Dernier arrêt, dernier des derniers, donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. Quitte-la, c'est la fin de ta carrière. Arrête un peu de panique et respire. Prends ta place sans dire merci. Fais-nous voir ce que tu vaux. Montre-nous ce que tu proposes. Ou descends, descends, descends, descends, descends, descends. Dernier arrêt, donc descends, descends, descends. Dernier arrêt, le dernier des derniers. Tu n'es pas prêt pour ça, descends. Dernier

j'en prendrai quand même. Tant que le soleil se lève, avec ou sans love, ton frère n'est pas sans dents. J'suis parti, j'ai pris des risques, mais j'vais pas revenir, pauvre. J'te l'ai dit, j'tiendrai promesse. Tu m'as pas vu changer le fusil des potes, j'ai du temps, j'ai peu sommeil. Avant de m'avoir dit je t'aime, m'as-tu dit je t'aide? Va de l'avant, réalise tes rêves. Père émerveilliste, la meilleure ou la pire chose qui m'arrivait. Qu'elle me donne, j'en veux plus, j'en ai mal, t'as joué la veille. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. On se reverra, no, on se reverra, no, on se reverra, no. On se reverra, no, on se reverra, no, on se reverra, no. Bellec quand il sort dehors. Beaucoup sont partis sans même pouvoir nous dire au revoir. Grand frère, t'es parti, petit sois fort. On ne l'oubliera jamais, jamais. Et n'oublie pas de prier, le meilleur des boucliers. Tu sais, nos cœurs sont fouillés. Pense à tout le bien qu'il a fait. Tu sais, la vie va trop vite. Ils étaient parmi nous. Au lieu de s'embrasser, se serrer fort, on se rendait fou. J'en ai des remords, j'en ai mal au cœur. Tu ne sais jamais le jour où vient ton heure. Je pense à toi qui a perdu un être cher. Je partage votre douleur. T'es parti, je t'aime. C'est trop dur. Ta photo, ton sourire, j'espère que tu me vois. De là-haut, je veux que tu saches que je ne t'oublie pas. On se reverra, no, on se reverra, no, on se reverra, no. On se reverra, no, on se reverra, no, on se reverra, no. Quoi dire, quoi faire quand tu décides de prendre la vie? Pas tes sous, pas de bijoux, ni le quart de tes habits. Je ne souhaite pas la mort, même à tous mes ennemis. Mon frère, c'était une venge. Est-ce que le bon Dieu va pardonner? Ça ne ramènera pas, et c'est ça le pire. Donc gardons les bons souvenirs. Quatre sur le scooter, on n'a pas peur. On faisait tomber les cœurs, soir à toute heure. On était les gosses du terre-terre. On aimait nos mères, on fuyait nos frères. On était soudés, tu peux pas nous le faire. J'ai que des bons souvenirs qui ont forgé mon avenir. T'es parti, je t'aime. C'est trop dur. Ta photo, ton sourire, j'espère que tu me vois. De là-haut, je veux que tu saches que je ne t'oublie pas. On se reverra, on se reverra, on se reverra. On se reverra, et c'est la fin de la nocturne à l'instant sur Skyrock avec le son de Lacrime, à qui on passe une grosse dédicace, à qui on pense. On se reverra bientôt, Lacrime sur Skyrock. La nocturne, c'est fini. Prochaine nocturne dans une semaine avec Brave qui débarque. Son album est dans les bacs, Error 404, tout comme celui de Jazzy Bass qui viendra aussi bientôt dans la nocturne sur Skyrock. Merci à vous tous d'avoir suivi le son 100% rap français, Fabulo Contrôle. Et on se retrouve dès lundi avec la Fouine qui débarque. Ciao. Du rap et du R&B. Turn it up. Rap and R&B.